nou pou al Saint-Antoine, nou pou al la Bruyère, nou pou al Saint-Antoine, fò pèlerinaj mande lyon devman. Nou pou al Saint-Antoine, nou pou al la Bruyère, nou pou al Saint-Antoine, fò pèlerinaj mande lyon devman. Yo di mwen kon sa, son sekre mesan. Depi ou gen la fwa nan pye Saint-Antoine nan pa ou san bezwen. Yo di mwen kon sa, son sekre mesan. Depi ou gen la fwa nan pye Saint-Antoine nan pa ou san bezwen. Fòk nou pa fè bêtis. Depi ou nan ougan a fè sakrifis, nou pa prospère. Li mirakule. Fòk nou pa fè bêtis. Depi ou nan ougan a fè sakrifis, nou pa prospère. C'est à toi. Ma fille en pied. Fò pran ak de bwa. Mal prier, ça me demande où vous connaissez le roi pour moi.